Bilduma baltzak doku izanek nome Kopuñan notaita doku izan balime Jalpoan edriki zemame itxarre Iztame zizketxikti Bieldoloro erateko. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de la Bulgarie. Salut Souris. Salut Mickey et salut tout le monde. Bah ouais, de nouveau un petit tour par là-bas, pourquoi pas. Bah ouais, c'est, en plus c'est cool à chaque fois la Bulgarie, Bah quand même. plutôt. On n'a pas encore été déçus. Écoute, il n'y a pas de raison. Non, et on va commencer avec un groupe de la fin des années 70, puisque il a été créé en 1979. 78. 18, pardon. Hop là. Donc il me semble hein, que c'est parmi les plus anciens groupes punk de Bulgarie. Oui, tu m'étonnes, 78, je pense que c'est plutôt pas mal. Ils sont de Kyustendil. Pareil, niveau prononciation là, par contre, désolée, je suis pas très sûre, mais bon, bref. Et c'est Novitsvetia. Les morceaux qu'on va passer aujourd'hui, c'est Panel and Block et Jivot, qui veut dire vie. Et alors, Bloc, ça voulait dire panneau, bloc de panneau. voilà, un truc un petit Peut-être peu ça veut dire bizarre. HLM en bulgare, je me suis dit. C'est possible, écoute, là, j'avoue que c'est un peu difficile à décrypter le truc, et puis des fois, avec les traductions mot à mot, Ouais, ça marche pas bien. pas forcément, hein. Et je ne parle pas couramment le bulgare, donc. Oh, déjà que tu ne faisais pas Ah! tellement d'efforts pour Slovaque. Maintenant, ok, très bien, très bien. Non, mais en Je prenant peux note. pas être sur tous les fronts là, hein. Non, c'est vrai. Ta mocheta, o ce tărtia e ta. C'était Novi Sevjat avec Panelen Block et Zjivot. Et on va réécouter un groupe qu'on a déjà passé plusieurs fois, parce que rien que pour le nom du groupe, c'est génial. C'est Kokosha Klava, tête de poule. Voilà les têtes de poule. On se disait juste avant, mais des fois les groupes, où vont-ils chercher leur nom? Et ouais, donc eux, ils sont de Kurdjali. Et les deux titres, donc c'est alors, quand on parlait là de traduction mot à mot, en effet, bah, on rigole bien. Donc le premier titre, c'est Vishkite Shengeta na Mezeta. Et alors, mot à mot, ça fait un peu truc, genre tous les flics sur les amuse-bouches, quoi. Donc, je sais pas, ils les ont cuisinés, ils vont les bouffer, quelque chose comme ça. Bah, il n'y a pas si longtemps, on a passé une chanson qui s'appelait It's the Rich, hein, donc ça se tient. Bah, c'est ça, c'est la version peut-être un peu plus raffinée, avec une recette de cuisine, quoi. C'est ça. Et bon, le deuxième titre là, par contre, c'est plutôt direct, hein, et facile à comprendre. Alcorolona. Alors, je recommence puisque je me Faites suis donc. plantée. Allez, c'est reparti. Alcocrolna bolest, qui veut dire maladie alcoolique. Da zakonim čengeto, sa se na butilka kaberne su vinjom. Zašto to svički čengeta za kopeleta? Svički čengeta za kopeleta? Svički čengeta za kopeleta? Svički čengeta na mezeta! Ти ги парка дойдин, друса ме и пивчин, и търтувай C'était les Coco Chaglava avec Pichiquité, Chingueta na Meseta et Alco Olona Bolest. Et puis t'es planté comme moi, hein, tu vois. Il est pas facile celui-là. Hein. Là, il est dur. Ouais, carrément. nous allons aller du côté de Varna avec Moncheta Skubinski, qui veut dire mot à mot. C'était garçon sur un cubain? Non, garçon et cubain? Le garçon avec des cubes, non? Ou un truc comme ça, je crois. Non, il y avait une histoire de cubain. Hein. Ah, de cubain, moi j'avais compris avec des cubes. Tu vois, Non, alors. non, non, non, attends, je vais le redire. Garçon avec des cubains, voilà. Voilà, ok, écoute, ma foi. Je ne sais pas trop quoi en dire non plus. Donc, ouais, de la Oi Punk de Varna, comme tu disais. Les deux titres qu'on va passer, c'est Nachin na Jivot, donc mode de vie, et Mamcheta Skubinki, donc un titre éponyme et qui reste du coup plutôt mystérieux quant à la Énigmatique. signification. Politici mali. Et voilà pour les garçons avec des Cubains et les titres Nashin Najivot et Mocheta Skubinki. Je l'ai bien fait là. Oui, Non, oui. ce serait cru sur la télé d'État bulgare, non? Skubinki, À fond, là. bien. Allez, on va aller à Sofia avec les éternels Beat of Terror. Ah bah écoute, hein, on ne se lasse jamais des bonnes choses. Non, c'est clair. Donc un petit titre de Beat of Terror, voilà, de Derrière les Fagots. Et donc c'est Belési qui veut dire cicatrice. Et on va rester ensuite à Sofia, mais dans les années 80, avec le groupe Choléra. Ouais, bon, je pense que là au moins c'est simple, c'est direct, on n'a pas Ouais. besoin de traduire ou quoi, tout va bien. Ça fait du bien. Alors, il y a une petite anecdote avec ce groupe, quoi, c'est que leur premier et leur unique album, d'ailleurs, qui était intitulé Scare a Child, alors ça, c'est la traduction, quoi, en gros, c'est fait flipper les gosses. Donc, c'est Uplashi Dietenchie. Et ça a fait sensation parce qu'il a été vendu dans des emballages de yaourt qui étaient nommés, quoi, enfin qui étaient écrits yaourt pourri, quoi. Sachant que le yaourt est considéré un peu comme un produit national en Bulgarie, n'est-ce pas? Les fameux yaourts bulgares. D'où la Mon Dieu. blague. Voilà. Écoute, fallait y penser quand même. Et donc, ouais, le morceau là, ça va rester dans l'épicerie. C'est clair. Hein. Le morceau s'appelle Plod Zelenchuk, qui veut dire fruits et légumes. Et là, t'as envie de mettre le jingle, poum, Leclerc. Oh, pas de pub, pas de pub. Pardon, Auchan. Zabavno obeženali. Razbito srce, razbita glava. Dolazno zbog kao kaskate. Et voilà pour Beat of Terror avec Belenzi et Choléra avec Plot et Zelensku. Cook. Ouais, alors. Tchouk. Zelensku. Et on va finir cette émission à Paul Div avec le groupe Delate. Ouais, donc ça c'est un petit groupe de formé en 2002 et le titre c'est Policeiska Država, qui veut dire un état policier. Et c'est sur le punk hardcore de Dilett que se termine cette émission. Merci beaucoup, Souris, pour la préparation et la co-animation de celle-ci. Bah, voilà. Voilà. Voilà. Et merci de votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Restez à l'écoute car la voix de la Hog ne s'éteint pas. Salut!